Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. S'habituer, là, ce sera pas long. Vous êtes Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. C'est notre grosse émission où tous les participants, les chroniqueurs, les collaborateurs et les belles personnes d'Assemblage Requis de la session d'automne sont en studio tous ensemble. Donc, ils vont participer à la chronique de Simon Fitzbé qui va être en plusieurs parties. Voici donc sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead. Simon est passé à l'univers Linux il y a très longtemps et lui, il n'y a pas ça des pop-ups qui arrivent par-dessus tes fenêtres et qui prennent la priorité. Eh hein. Non, c'est, pas ça. C'est génial le Linux. C'est une tradition Windows, hein? Sébastien, nous autres, on n'a pas ça sur Mac non plus. Non plus. Non. J'ai même découvert quelque chose qui pourrait peut-être intéresser les gens et les convaincre d'aller sur Linux. On peut prendre un iPod et enlever des pièces de dessus et en rajouter sans avoir à synchroniser son iPod. Mais tu dans iPod, il faut que tu aies la bibliothèque de ton ordinateur, il faut que tu sois synchronisé tout le temps avec le même. Exactement. Sauf qu'avec Linux, on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment génial. J'adore. Bon. Nous autres, on est Mac, Sébastien et moi. Vive les sources ouvertes. Oui. Les sources ouvertes, c'est génial, même que je pense à remplacer mon programme de iPod pour un programme Linux. J'attends juste de voir si ça vaut vraiment la peine. Kiwan est perdu complètement là-dedans. Non. C'est quoi un i quoi? Donc, Simon, aujourd'hui, dans l'émission, tu vas nous présenter plusieurs chroniques sur différents sujets. Des petites chroniques, des quickies, comme on l'appelle. C'est sexy pas mal, ça. Oui, c'est très sexy. Hein? Alors, justement, je vais vous parler, je vais faire la critique du film The Boat That Rocked, un film qui est sorti en avril 2009 en Angleterre, qui est sorti un peu plus tard aux États-Unis, dans le monde, au mois de novembre. C'est la raison pourquoi c'est pas sorti partout et que ça a pris beaucoup de temps avant que ça ressorte. C'est que le film est très, très long, premièrement. Il durait, dans sa version originale, je crois, près de 3 heures. Ça a été ramené à près de 2 heures. Et encore là, on trouvait que c'était trop long. Le film aussi a été un vrai flop commercial. Les gens voulaient rien savoir. Le film n'était pas assez bon pour eux. Et c'est supposément une comédie. Franchement, j'ai pas vraiment trouvé l'élément comédique non plus dans ce film-là. C'est ce qu'on veut dans une comédie d'habitude. Oui, habituellement. Et donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire. En fait, c'est le jeune Carl, dont le nom de famille n'est même pas expliqué. Le catcheur. Le catcheur, exactement. Qui s'en va sur un bateau qui s'appelle Radio Rock. Et c'est en fait une radio pirate qui diffuse du rock and roll jour et nuit. Ça se passe entre la fin 1966 et le début 1967, alors que la BBC, comme j'avais expliqué dans ma chronique sur les radios pirates, contrôlait les ondes de l'Angleterre et c'est pourquoi les Anglais avaient des bateaux un peu partout dans les eaux internationales et diffusaient du rock. Et en fait, ça se sépare en deux histoires. En fait, l'histoire sur le bateau avec donc tous les animateurs qui font la fête, qui passent de la musique et le jeune Carl qui apprend à vivre sa vie de jeune homme sur le bateau. Et de l'autre côté, on a le gouvernement avec d'ailleurs un ministre des communications qui essaie de faire fermer la radio. Donc, selon lui, c'est des cochonneries, en fait, qui passent à cette radio. Pourtant, 23 millions d'Anglais, c'est-à-dire la moitié de la population, écoutent la radio. Et on a aussi, justement, des séquences avec plein de gens qui écoutent la radio tout le long du film. Séquences qui sont un peu inutiles. Et je n'y rentrerai pas vraiment plus loin dans l'histoire. C'est pas mal juste ça, en fait. Et la fin est un peu décevante, malheureusement. Je vais peut-être en reparler un peu tantôt. Et donc, les personnages importants, en fait, il y a le comte qui est joué par Philip Seymour Hoffman, très grand acteur qui a gagné un Oscar, qui joue là-dedans. Son rôle, en fait, c'est un animateur américain sur cette radio anglaise qui est le roi des ondes. C'est le meilleur animateur de tous. Et donc, c'est lui qui a l'émission du soir et qui un peu gère tout le rock sur cette radio. Il y a aussi Bill Nighy qui joue Quentin, qui est le propriétaire de la radio, et l'oncle de Carl qui est joué par Tom Sturridge. Très beau jeune homme. En passant, Emily, tu le trouverais très sexy. Donc, en fait, c'est un peu voilà le contenu du film, mais il contient beaucoup d'anachronismes, qui est une des choses plates avec le film, c'est que ça sur se passe la musique surtout. Oui, avec la musique en grande quantité. Parce qu'en fait, entre 1966 et 67. En fait, ça se déroule dans cette époque-là. Et il y a plein de pièces dont on fait référence à Jimi Hendrix, qui a connu seulement son succès à l'été 1967, entre autres avec The Wind Cries Mary, qui est sur la trame sonore du film. Et donc, c'était même pas paru, en fait. Ou c'était paru, mais c'était vraiment pas connu. Donc, il n'y avait pas de raison pour qu'on parle de Jimi Hendrix à cette époque-là. Il y avait sûrement plein d'autres artistes plus appropriés pour ça, il me semble. Ouais, ouais, pour cette époque-là, c'était, il n'y a aucune mention des Beatles pratiquement tout le long du film. Ils n'ont pas réussi à payer les droits. Hein? Ouais, probablement, c'est ça. Donc, on les a écartés. Les Rolling Stones aussi, pourtant, c'est les grosses vedettes de cette époque-là, encore plus que n'importe quel autre. Et il y a aussi, en fait, ce qui a été pour moi le plus flagrant, c'est une pièce du groupe The Turtles qui se nomme Eleanor, qui joue dans le film et qui a quand même une raison quand même assez importante pour être là, puisqu'on célèbre un mariage sur le bateau et la mariée se nomme Eleanor. Donc, on prend la pièce des Turtles, mais la pièce est sortie 2 ans plus tard dans les marchés. Donc là, vraiment, il y a un gros anachronisme musical, on s'en rend compte. Et aussi, donc, il y a plusieurs pièces. Là, j'ai pas en fait une recherche pour chacune, savoir quelle date il était sorti. Mais entre autres, Night in White Satin, des Moody Blues qui se retrouvent là-dedans. Et je doute que c'était sorti à l'époque, c'est sorti en 67. Et le film se termine un petit peu avant le jour de l'an 1967. Et donc, c'est pas mal au niveau des anachronismes. Maintenant, au niveau de... est-ce que le film représente bien la réalité de l'époque, puisque ça a vraiment existé? Pas vraiment, en fait. C'est que les Anglais n'ont jamais appelé leur musique rock and roll rock. Ils appelaient ça la Britpop, British Pop. Donc, première erreur, on dit rock and roll à peu près 1000 fois. La station de radio s'appelle Radio Rock. Grosse erreur. Et aussi, le rôle de Philip Seymour Hoffman est peut-être un peu trop exagéré, puisqu'il y a eu des animateurs anglais, non pas anglais, mais américains, qui sont allés animer en Angleterre, mais ils n'ont jamais été à ce point populaire. C'était des animateurs comme les autres. Aussi, on a un style d'animation qui est très, très enjoué. On crie dans les micros, on dit des gros mots à la radio. Alors qu'en Angleterre, même sur les radios pirates, on gardait un joli ton vraiment de radio AM très, très calme. Solennel. Solennel, exactement. La fin un peu comme toi ce matin. Ouais, ben j'ai essayé de mettre de la vie, en tout cas. T'es super bon. Merci. Et donc, voilà, la fin est très, très décevante. Le film, en général, j'ai trouvé que c'était quand même un bon divertissement. C'est plaisant. Et le point fort du film, c'est qu'il est basé surtout autour de la musique. Donc, justement, la pièce qui a été utilisée parce que la fille se nomme de ce nom-là. On met tout le temps des pièces bien situées aux bons endroits. D'ailleurs, on va avoir une pièce tout à l'heure qui est tirée du film alors que le bateau est en train de couler. Donc, c'est très bien situé. La trame sonore est donc géniale. Il y a 60 pièces et il y en a 30 qui se retrouvent sur la bande sonore originale. Très, très intéressant. Et comme j'ai dit, le plus gros des points faibles, c'est la fin. Je ne vais pas révéler, mais c'est vraiment, mais vraiment là, monté de toutes pièces. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on peut quand même dire que, mettons, pour quelqu'un qui veut juste écouter un film avec de la bonne musique, pour la musique, si on ne se soucie pas trop des dates puis c'est des ça, détails, exactement. Ça pourrait être très intéressant. La trame sonore est vraiment très bonne. Et d'ailleurs, on peut justement apprendre certaines pièces qu'on connaissait par la musique. Tout simplement, on peut apprendre le nom. D'ailleurs, si on va chercher la trame sonore par après, qui est excellente. La trame sonore est vraiment bonne, probablement meilleure que le film en lui-même. Il y a plusieurs films dont c'est le cas. La trame sonore est plus intéressante. Ça arrive souvent. C'est bâti autour de la musique, donc c'est quand même très bien fait. Par contre, au niveau comédie et même la cinématographie, je me dis habituellement, les films qui se passent en masse, c'est quand même bien tourné. Tout ça, la cinématographie est pas très bonne. L'image est quand même assez mauvaise. Et même quand le bateau coule, ça apparaît que c'est en 3D, donc c'est pas génial. C'est du papier mâche. Ouais, c'est ça. Ça aurait été quasiment mieux de même. Ouais. Plus stylisé. Donc voilà, pour le film s'appelle encore une fois Radio Pirate. Ouais, Pirate Radio pour le public nord-américain. Il devrait sortir en DVD dans pas long. Ça a été un gros flop ici aussi, en Amérique du Nord. On retourne en musique, on s'en va entendre une pièce que tu as choisie qui a rapport avec ta chronique. Oui, donc c'est la pièce du groupe Procol Harum, une pièce qu'on retrouve sur le film et ça s'appelle A White Shade of Pale. Tout en la misère à prononcer ce nom-là. Et ça joue justement quand le bateau est en train de couler, un petit peu avant la fin du film. Ça, c'est la pièce sensuelle du rock britannique. Ouais, vraiment, c'est génial. J'ai redécouvert cette pièce-là grâce à ce film-là. Je vais et je viens là, de Gainsbourg. Oui, t'aime, moi non plus. Il y a une analogie assez forte. En fait, c'est pour Gainsbourg qui a entendu Procol Harum. Ouais, probablement qu'il l'a repris par après, mais c'est pratiquement la même ligne de clavier ou d'orgue, en fait. Là-dedans. Donc, vous allez voir en l'écoutant. Même qu'en Angleterre, ça se dispute avec le Stairway to Heaven comme étant peut-être la plus grande pièce du rock anglais. C'est une des meilleures. Vraiment. Tout le monde connaît ça. Écoutons-la tout de suite. Bon. Une autre chronique de Simon plus tard dans l'émission. OK, oui. was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Faces first, just go sleep. Turn the wider shade of pale. Donc, la pièce White Shade of Pale, qui est tirée, en fait, qui est du groupe Procol Harum, qui est tirée de la trame sonore de The Boat That Rocked. Comme je disais, un film moyen, mais une très très bonne trame sonore pour les amateurs de vieux rock des années 60. Moi, en fait, j'ai bien aimé. En plus, dans ma période là, où je redécouvre cette musique. Donc, je trippe. Ah, c'est cool de voir ça. Simon Fitzbé avec ta chronique Paul is Dead. Il y en aura une autre plus tard, comme on dit. Oui, on va en faire une autre. Au moins une. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Mais on n'est pas seul aujourd'hui, Kiwan, vraiment loin d'être seul même. Mais non, on est avec tout le monde qui ont participé à l'émission, avec Émilie, Philippe, Sébastien, Simon et Maxime. Et même François est passé tout à l'heure, il est parti parce qu'il était très occupé. Mais oui, vraiment, tout le monde est ici aujourd'hui. Et on pourrait continuer avec une petite chronique de Simon, je pense. Ben ouais, pourquoi pas. Simon Fitzbé, sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead, rebonjour. Oui, rebonjour. De quoi tu nous parles cette fois-ci? Ben là, je suis fâché. Je suis fâché contre Nathalie Petrovski. Are you fâché? De la presse. Oui, je suis fâché. Et en fait, je suis fâché depuis le mois d'octobre. Je retenais ça. Je retenais ça, oui. En fait, c'est que... le journal La Presse et le journal de Montréal aussi avaient fait l'expérience un petit peu avant, ont demandé à un violoniste classique, Alexandre Dacosta, d'aller jouer un peu de son art dans le métro de Montréal. Et donc, à exactement 15h20, le mardi 20 octobre, Alexandre Dacosta s'est présenté dans le micro avec son Stradivarius datant de 1727. Et 1727, c'est l'âge d'or de Stradivarius. C'est là qu'il faisait ses meilleurs violons, des violons à 4-5 millions de dollars. Et donc, il s'est présenté, il s'est mis à jouer de la musique classique. Et c'était une expérience, en fait, pour voir si les gens allaient s'arrêter ou donner plus d'argent aux musiciens classiques qu'à un guitariste du style de Paul Piché ou des choses comme ça qui joue dans le métro, comme on les entend. Paul Piché joue dans le métro. Avant qu'il fasse son dernier album. Non, en fait, on l'aime bien, Paul. Donc, c'est ça. Il y a eu environ plusieurs centaines de milliers, en fait, plusieurs centaines, c'est-à-dire des milliers de personnes. On ne donne pas des chiffres. Oui, c'est ça. On ne donnera pas de chiffres, en fait. J'en lis même pas dans l'article. Donc, voilà. Il s'est présenté donc dans le métro et il avait joué deux jours avant devant 1700 personnes à Séville, en Espagne. Et donc, c'est un violoniste reconnu qui joue partout à travers le monde. La raison pourquoi je suis déçu, c'est que j'avais trouvé un mythe qui avait les mêmes origines, en fait, et c'est un mythe confirmé, c'est vrai. C'est Joshua Bell, qui est... Joshipou. Je l'avais. Ah. On est tight. Oui, un violoniste classique qui lui aussi joue sur un Stradivarius. Et donc, c'est un violoniste reconnu partout dans le monde qui, un matin, s'est présenté dans le métro de Washington et s'est mis à jouer donc de la musique classique sur son violon. Et il est resté environ une vingtaine de minutes. Il n'a même pas amassé au-dessus de 4 ou 5 $ donc, alors qu'il était dans le métro. Et ça a été réalisé pour le Washington Post en 2007. Et donc, on voulait savoir vraiment si les gens allaient reconnaître, premièrement, l'artiste, reconnaître la musique et, ultimement, l'instrument. Malheureusement, quelques gens se sont arrêtés, surtout des vieilles dames qui voulaient entendre. Et donc, malheureusement, personne n'a reconnu Joshua Bell, personne n'a reconnu son violon. C'était une chronique que je voulais faire. Donc là, maintenant que Nathalie Pietrowski a un peu détruit ma balloune en le passant dans le journal La Presse, ça montre un peu son peut-être le manque d'originalité des journaux, puisque le journal de Montréal avait fait juste un mois avant avec un clagnettiste de l'OSM. Donc c'est un peu dommage, mais c'est quand même intéressant de voir que les personnes ne s'intéressent pas nécessairement à la musique classique qu'ils peuvent entendre dans le métro. Et je ne sais pas exactement le nombre d'argent qu'il a fait. Je sais que ça a été fait aussi à Vancouver et la violoniste qui avait passé à peu près une demi-heure à faire de la musique avait ramassé 2 $. Donc, c'est vraiment pas beaucoup pour ce qu'on peut entendre. Donc, c'est une musique quand même, des gens qui payent des billets de près de 250-300 $ pour aller entendre ces musiciens-là. On a la chance d'entendre dans le métro et ça n'arrête même pas. Ils prennent pas le métro, ils prennent une limousine, je pense. Ouais, ces gens-là qui payent les billets prennent plus des limousines. Ouais. Ça n'arrête pas au métro. Tu connais ça, métro? Ouais, quelques fois, mais moi, j'ai peur des gens, donc je vais pas dans le métro, j'aime mieux marcher. Non, c'est pas vrai. Je vais dans le métro. J'aime bien le système. On n'en est pas à Trois-Rivières, malheureusement. Mais ça vaudrait pas vraiment la peine, je crois. Bah, parlez-en à l'évêque. T'arranges ça, lui. On va vous en donner des candés. Des candés, des petits bonbons. Des candés, mon oncle l'évêque. Voilà. On va pas parler de politique. C'était la job à François qui est parti tantôt. Moi, j'ai un témoignage métro. C'est la dernière fois que j'ai rencontré le grand Antonio. Il est décédé quelques semaines après. Puis il m'a donné une photo de lui. D'habitude, je pense qu'il fallait donner de l'argent. Mais il parlait plus vraiment. Gros monsieur avec les espèces de dreads là, qui étaient tapés. Ça. Le grand Antonio, c'est vraiment une légende des années 60-70. Oui. Il avait tiré des autobus, c'est ça, un homme. Des avions, il a même tiré un avion une fois avec ses cheveux. Il me donne la photo, puis j'ai rien sur moi, mais vraiment rien. Puis j'ai même considéré me donner ma passe de métro. Je me dis, ben, c'est sûr, parce qu'il restait comme juste quelques jours au mois, je sais pas. Mais je me dis, bon, il doit avoir sa passe de métro. Puis il est décédé quelques semaines après. Hein. J'étais quand même content de rencontrer le grand Antonio. Absolument pas, on dira jamais ça. Absolument pas. Tes frais médicaux, tu fais quoi avec ça? T'aurais pu donner quelques sous pour ces soins médicaux. Il donne ta carte soleil. Tout Canada. Ben oui, excuse-moi. On se ressemble d'abord pour la carte soleil. Ouais. Mais ta crinière est dorée. Non, mais il y a des gens qui savent très bien de quoi il en retourne. Le grand Antonio était là presque tous les jours à Berry-UQAM. Et puis, un peu, ça met mal à l'aise, il sent pas bon, tout ça. C'est une énorme perte d'autonomie. Mais il était comme juste fasciné par les gens. Il restait encore. Il avait envie. Il s'est pas enfermé dans son trou. Il voulait voir les gens. Parlant du grand Antonio, je me rappelle à l'émission L'Écuyer de Patrice L'Écuyer, il avait rendu hommage à Claude Meunier. Il avait invité le grand Antonio qui est allé tirer un autobus avec Claude Meunier dedans. C'était à peu près dans les derniers temps où le grand Antonio donc, faisait des apparitions publiques et avant justement donc qu'il commence à perdre ses capacités malheureusement. C'est un peu dommage. Il avait passé aussi à Infoman, il mangeait des bangs Dunkin' Donuts. Ouais, il avait interviewé pendant qu'il mangeait. Ouais, à côté de chez lui. Ouais. C'est triste. Simon a encore une chronique pour nous. Ouais, ramenons Simon pour un autre mythe du rock'n'roll dans sa chronique Paul is Dead. Alors que le reste de nos de notre public en studio dans les gradins s'amuse, parle et rit, Émilie est là et elle fait des drôles de faces, oui. De sourires. Je m'amuse. Ouais. Génial. Simon, de quoi est-ce qu'on parle cette fois-ci? Oui, je voulais vous faire un petit bout, en fait, sur les concerts et les gens qui ont été expulsés. Ça, c'est une légende quand même assez bizarre. Là. J'ai pas vraiment de façon de l'emmener, à part que donc c'est une légende qui revient souvent dans l'univers de la musique et qui touche en particulier certains musiciens sur scène, entre autres Clint Black, Phil Collins, John Denver, Gloria Estefan et Keith Urban. Donc, habituellement, ce sont des légendes qui touchent une certaine partie du public à cause majoritairement des religions, mais aussi des nationalités. Alors, c'est tout simplement le musicien qui demande avant le début de son concert à tel groupe de sortir parce qu'il veut pas les voir dans la foule. Et la légende la plus commune, en fait, c'est celle de John Denver qui, en fait, aurait demandé aux témoins de Jéhovah qui étaient présents dans la salle d'aller jusque devant la scène, en fait, devant lui. Et alors qu'il s'est mis à jouer l'hymne national américain, a demandé à tous les témoins de Jéhovah de quitter. Et c'est reconnu, en fait, que les témoins de Jéhovah sont la religion la plus ostracisée par les musiciens. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Donc, tu t'en perds pas mal. Hein? Ouais, je connais quelqu'un qui est témoin de Jéhovah ou qui était témoin de Jéhovah qui connaît la musique. C'est une encyclopédie, là, vraiment. Donc, je vois pas pourquoi on les ostracise à ce point-là. Est-ce que c'est de ta vente, non? Ça? Non, je veux pas faire ça. Y a-tu essayé de ta vente? Non, il n'est plus dedans, justement. Fait que ça va bien. Oui, c'est ça. Phil Collins, dans son cas, c'est le peuple juif. Donc, à chaque fois qu'il y avait des juifs à son concert, il lui demandait de quitter. Et la raison pourquoi M. Collins demandait aux juifs de sortir, c'est qu'il faisait partie de l'Organisation de la libération de la Palestine. Donc, il demandait aux juifs de sortir. Tout ça, c'est faux, hein, en passant. OK, mais tu me rassures, là. Non, c'est ça, parce que ça s'en venait un petit peu quand même assez rempli de haine. Et Keith Urban, le musicien country reconnu pour ses prises de position quand même bizarres, lui demande aux Canadiens de sortir de ses concerts. Ah. Donc, Keith Urban, qui a déjà fait des concerts au Canada, donc c'est là vraiment que ça tient pas debout. Ouais. Donc, il demande aux Canadiens de sortir, entre autres à cause qu'on leur vend du bœuf avarié, selon lui. Et donc, bien sûr, il y a le drapeau américain tatoué sur le cœur. Donc, les Canadiens, pour lui, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, ce sont des rumeurs qui ont perduré depuis les années les années 80-90. C'est ça, les gens qui se font expulser les concerts. Et comme je disais, justement, j'avais comme pas de façon d'emmener ça dans une vraie chronique de 20 minutes. Donc, je me suis dit, on va faire une petite vitesse avec ça. Une petite vite. Ben, t'as bien fait ça. Mais merci beaucoup. C'était ta dernière, d'ailleurs? C'était ma dernière, d'ailleurs. Oh. Et j'espère ne pas être la seule raison qu'on s'est rendu jusqu'à 5h20. Avec mon fou rire en plus de tantôt qui était mémorable. C'était mémorable, hein? D'étudiants de l'UQTR à la Fédération étudiante. Ça va. Ça va pour l'Infocampus aussi? Oui. C'est assez. Mais le pire, c'est qu'il faut que je le repasse demain matin dans le cadre de mon émission. C'est vrai. Tu vas le savoir par cœur à la fin. Ouais, non, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est bien. Ça informe beaucoup les étudiants. Tout à fait. Et surtout que... Donc, pour les 1302 personnes qui ont voté pour le référendum, c'est important de savoir les résultats. Donc, t'es-tu encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17 heures, assez fou.